c'est les âges, les saisons qui se dégradent, la terre qui se vide de sa vie, ressources épuisées. Je reste là, impuissant face aux fées, immobile dans le froid qui glace nos cœurs, congèle nos âmes, qui petit à petit nous condamne à éteindre la flamme des vies qui subsistent en nous. Reste là en cœur, le malheur d'essayer de survivre en devenant esclave d'un système qui brasse du vent. Et oui, on trime pour esquiver le mal-être. Et oui, on va de l'avant. Avoir mal, c'est pas pour la frime. Mais l'être humain estime le paraître plus important que la survie de sa race. Et ma vision des choses qui tracent mon destin, qui oblige ma prose à devenir sombre et profonde. Sombre dans mon monde, profonde et démente. Et l'onde que je répands, car c'est mon sang, ma folie que j'injecte dedans. J'ai plus de vraies envies, je rêve plus vraiment. Car la mère m'a éclaboussé enfant trop jeune et déjà dégoûté pour plus avoir envie de grandir. Car la mère m'a éclaboussé trop jeune. Car la mère m'a éclaboussé trop jeune. Je me souviens plus du temps de l'innocence. Alors oui, j'admire les simples d'esprit qui comprennent pas ce qui arrive encore à rire. Alors que moi, je peux juste pleurer, hurler ou faire semblant d'avoir trouvé le bonheur, la rançon du savoir, la peur de voir l'avenir devenir pire que le passé, l'impression d'avancer en arrière. Les jeunes sous pression, pressés de questions, les jeunes qui rêvent d'une pause, d'une dose. Qui rêvent d'une pause, d'une dose. C'est un calme qui apporte aucune réponse, mais qui pense les plaies que les lames de la solitude nous ont plantées dans le dos. Et oui, on n'a pas le désir de marcher au pas. Et oui, on veut pas être des robots à la solde de l'État. Mais le choix, on l'a pas, hein. Le choix, on l'a pas. Alors je vois la mort servir de libération, le suicide devenir la dernière solution. Accepte ce texte comme une prière, une pensée pour ceux qui seuls ont rempli les cimetières, pour celui qui fuit la torture de l'âme en créant le drame. Le vent qu'on brasse éteint nos flammes. Le vent qu'on brasse éteint nos flammes. Le vent qu'on brasse éteint nos flammes. Le vent qu'on brasse éteint nos flammes. Ma prose, ta cam qui apporte aucune réponse, mais qui pense les plaies que les lames de la solitude nous ont plantées dans le dos. Et oui, j'ai pas le désir de marcher au pas. Et oui, je veux pas être un robot à la solde de l'État. Mais le choix, je l'ai pas. Alors je vois la mort servir de libération, le suicide devenir ma dernière solution. Accepte ce texte comme une prière, une pensée pour ceux qui seuls ont rempli les cimetières, pour celui qui fuit la torture de l'âme en créant le drame.